Le professeur pose des questions aux élèves? Oui, il leur pose des questions. Le professeur corrige les élèves? Oui, il les corrige. Le professeur donne des exercices aux élèves? Oui, il leur donne des exercices. Le professeur explique les règles aux élèves? Oui, il leur explique les règles. Le professeur aide les élèves? Oui, il les aide.